On ne choisit pas ses parents. Il faut mettre ici des guillemets autour de cette phrase, évidemment. Ce n'est pas exactement un proverbe classique, mais c'est quand même une expression populaire, une expression que nous utilisons, par exemple, quand nous introduisons quelqu'un dans notre famille, que nous sommes gênés par ses présentations, et alors nous disons d'un air gêné, tu sais, on ne choisit pas ses parents, mais nous avons là une ironie affectueuse, une sorte de sentiment moral très fin, très particulier, où nous sommes, marquons à la fois une distance et un attachement, ce qui est le cas de tous les attachements réel. Mais il y a au moins deux dimensions plus profondes dans cette expression commune et sur laquelle il faut revenir. D'abord, il y a bien sûr dans ce « on ne choisit pas ses parents » une dimension métaphysique. La rencontre de nos parents, la façon dont ils ont déterminé notre destin font bien sûr partie de ce que nous ne choisissons pas, ce sur quoi nous n'avons aucune prise. Les dimensions très profondes de l'involontaire qui détermine notre existence. On parle souvent de la mort, des conditions sociales, mais on oublie que la plus mystérieuse de toutes nos conditions consiste sans doute dans cette rencontre imprévisible, toujours entre deux personnes singulières et qui, elles-mêmes dans leur singularité, ne choisissent pas du tout la façon dont les enfants vont apparaître. Et il faut d'ailleurs l'espérer. Bientôt, les dispositifs de technologie du vivant permettront peut-être à certains parents d'essayer de choisir leurs enfants, mais il ne faut pas le souhaiter. On peut peut-être éviter certaines pathologies très graves, mais pas plus que nous n'avons choisi nos parents, nous ne devons choisir nos enfants. Cette part de l'involontaire est au contraire aussi une part de notre être profond, une part de notre liberté. Et ça n'est pas seulement un déterminisme et une condition qui nous est imposée, mais aussi une dimension profonde de la vie humaine, une dimension profonde de la vie tout court. Il y a pourtant des situations tragiques, toujours dans le cas de la bioéthique au fond, qui peuvent nous amener à donner à cette phrase un sens moral, parfois juridique, pour décider dans des cas qui nous sont imposés là aussi. Le cas le plus connu, le plus douloureusement connu, est celui des décisions que l'on doit prendre à la place d'une personne et où parfois ses proches s'affrontent et où l'on doit décider qui doit décider à sa place. On se souvient en France de la tragique et très connue affaire dite Vincent Lambert, où ce jeune homme placé dans le coma était susceptible d'une décision d'arrêt de traitement, mais qu'il ne pouvait évidemment ni prendre, ni demander lui-même. Qui devait le faire à sa place? La loi française sur les personnes de confiance ne tranchait pas a priori à ce moment-là entre les personnes. Et finalement, il y a eu un conflit tragique entre ses parents d'un côté, ses géniteurs pourrait-on dire, et sa famille de ce sens-là, et puis sa compagne et ses autres proches. Et on soutenait, certains soutenaient qu'il n'avait pas choisi ses parents, qu'il avait choisi en revanche sa compagne et que ce qu'il aurait choisi nous est indiqué par ce choix. Mais c'est seulement, heureusement, dans des situations tragiques que cette phrase anodine, on ne choisit pas ses parents, peut prendre un sens moral et juridique. En réalité, ce que nous choisissons, nous ne les choisissons jamais toujours entièrement, bien sûr. Nos amours ne relèvent pas d'un choix dans un catalogue. Et inversement, ceux que nous n'avons pas choisis, nous pouvons dans notre vie apprendre à les choisir, à les retrouver, à leur redonner un sens par nos choix les plus profonds. Ainsi, cette phrase qui fait plutôt partie de la sagesse ordinaire, de la sagesse des nations, des proverbes affectueux et ironiques, ne prend un sens tragique que dans les situations qui le sont aussi et dont nous espérons qu'elles seront le plus souvent évitées.